Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale. C'est votre magazine radio qui est consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. C'est Jean-Tienne Lafrance qui est à l'animation avec vous pour la prochaine heure. Et comme je le disais à Jessica tout à l'heure, on va débuter l'émission en s'entretenant avec Amélie Laurence Fortin, qui est actuellement en résidence à la Chambre Blanche, donc une résidence dans le cadre de Manif d'art 9. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, il y a Anne-Sophie Homère qui va venir nous parler de la semaine de conférences et de formation à Méduse. Donc, on en a glissé un mot la semaine dernière en rencontrant Jeffrey Poirier dans le cadre de l'entrevue avec François Quévillon. Toute la semaine, à Méduse, les différents organismes membres de la coopérative offrent des conférences, des formations, dont plusieurs sont gratuites, notamment l'Université populaire de l'Œil de Poisson qui s'intitule Cogité. Et c'est dans ce cadre-là que Yann Pocro a réalisé une conférence aujourd'hui et Anne-Sophie va venir nous en glisser un mot. Mais ça va aussi être l'occasion de parler plus en profondeur des différentes activités qui sont offertes dans le cadre de cette semaine. Il y a par exemple chez Engram différentes formations sur les procédés de l'estampe, les divers procédés de l'estampe. Ce soir, actuellement, il y a une classe de maître à vue, donc Vachanta Yoganathan, pardon, qui offre une classe de maître ce soir, mais également une foule d'autres activités. Là, on va élaborer ça un peu plus en profondeur avec Anne-Sophie Homère en deuxième partie d'émission. Et ensuite, je vais recevoir trois étudiants au baccalauréat à l'Université Laval en arts visuels qui expose en ce moment à Banc d'essai. Donc, Banc d'essai, cette exposition qui a lieu à chaque année, qui permet à trois artistes au bac de présenter leurs pratiques. Donc, nous aurons en studio avec nous Besma Boukri, Vincent Drouin et William Légaré. C'est trois artistes qui ont des pratiques très... en fait, il y a un lien qui se tisse entre leurs pratiques, principalement autour des pratiques photographiques, des installations vidéo également. On va pouvoir en discuter un peu plus en profondeur avec les trois étudiants. J'ai appris tout à l'heure qu'Amélie Laurence, elle est prise dans le trafic. On va commencer par prendre une petite pause audio. Et au retour de cette pièce de Herr Doctor, je vais vous parler un peu plus en profondeur de la pratique d'Amélie Laurence Fortin. Donc, Herr Doctor qui nous est proposé encore une fois cette semaine par Simon Roy, qui est un groupe d'origine brésilienne qui travaille au Portugal et qui fait dans la synth-pop expérimentale, très, très inspirée de la musique des années 90. Donc, c'est tiré de leur EP 199X, donc 1990X. Et on va débuter par la pièce « Miami Call ». We'll be right back. Alors, en ce moment, à la Chambre blanche, c'est Amélie Laurence-Fortin qui est en résidence. Elle a été invitée par le commissaire de manif d'art, Jonathan Watkins, pour approfondir sa recherche artistique. Et je vais vous introduire un peu à la pratique d'Amélie Laurence qui a débuté sa démarche, je dirais, avec ce projet, le Rock étincelant, dans lequel elle a décliné plusieurs présentations d'œuvres, plusieurs résidences. C'est vraiment de l'expérience de la nature, l'expérience du territoire, des expériences qui amènent à se trouver en mode survie, que l'artiste travaillait beaucoup, beaucoup. Donc, elle a fait plusieurs expéditions de kayak dans les océans Atlantique, Pacifique. Elle a également fait du plantage d'arbres dans les Rocheuses canadiennes. Et elle s'est trouvée dans différentes situations de survie qui l'ont inspiré dans sa pratique, dans ce cycle, je dirais, parce que c'est un peu comme des cycles, ces projets. Donc, le cycle Rock étincelant, dans lequel elle a exploré justement ses expéditions, mais également, par exemple, dans le paysage miraculeux, elle explorait également l'aspect plus botanique de la survie en forêt, c'est-à-dire ces plantes qu'il faut éviter de consommer, des plantes qui risquent de nous faire mourir. Donc, on voit un peu cette espèce d'expérience aux limites de ce que l'être humain peut vivre, inspire beaucoup la pratique d'Amélie Laurence-Fortin. Et dans les dernières années, c'est un nouveau cycle qu'elle a entamé avec Crash, donc depuis 2017 environ, je crois. Donc, un intérêt qui s'articule plus autour des sciences qui touchent à l'astronomie, à la cosmologie, donc d'explorer cet univers qui, encore une fois, d'explorer les limites de ce que l'être humain peut connaître, peut aller chercher. Et l'an dernier, en 2017, elle a réalisé une résidence en Arctique, sur un bateau. Nous l'avions reçu ici à l'émission. C'était ma collègue de l'époque, Audrey Carreau, qui l'avait reçu en entrevue pour parler de cette résidence très, très particulière. Ce n'est pas nécessairement une résidence seulement pour les artistes. Il y a des artistes, oui, sur le bateau, mais également des scientifiques de plusieurs disciplines. Donc, elle a pu, dans ces rencontres-là, interdisciplinaires, mais également dans cette rencontre, cette expérience du cercle arctique. C'est très, très rare de pouvoir se rendre dans ces lieux-là. Elle a récolté notamment des sons. C'était une résidence qu'elle croisait, donc la résidence en Arctique, qu'elle croisait avec une résidence à Avatar, le centre d'artistes spécialisé en art audio et électronique juste ici à Méduse. Elle a récolté des sons dans la glace qui pouvaient rappeler des sons qu'on peut retrouver dans les films de science-fiction, des sons qu'on peut peut-être percevoir dans des voyages dans l'espace. Et à partir de ces sons-là, elle a élaboré un corpus qui a été présenté suite à une résidence à Gatineau, à Axe-Néosette, sous les soleils, qui assemblait un ensemble d'œuvres, d'installations autour de la lumière, de ces sons, de cette expérience qu'elle a vécue en Arctique, dans ce bateau rassemblait des scientifiques, des artistes. Et elle poursuit ses recherches qu'elle a entamées dans cette résidence-là, mais également d'autres pistes de réflexion actuellement à la Chambre blanche. Et on va prendre une petite pause audio avec encore une pièce de Herr Doctor, Can You Kiss Me First? Et ensuite, on s'entretient avec l'artiste Amélie Laurence-Fortin. si tu veux. Laurence Fortin, bonsoir. Salut. Donc, tu étais sur la route, pris dans le trafic, parce que tu es allée t'acheter un moteur à boule disco. Ben oui, c'est ça que je t'allais acheter. Il fallait que je réussisse à l'avoir avant 5h30 aujourd'hui, puis réussir à mettre l'entrevue en même temps. Ça a été un petit peu difficile compte tenu des conditions routières. Donc, une boule disco pour alimenter les recherches que tu fais en ce moment à la Chambre blanche. On va commencer par le titre, ouais. Parce que c'est quand même assez évocateur, un titre. Il y a toujours plein de choses à dire. Donc, le titre, c'est 10 puissance de 10. C'est puissance de 10. C'est parce que comme le symbole du puissance de 10, c'est 10 à la X. Mm-hmm. Mais comme on s'en rappelle bien de comment le lire quand on est au secondaire, par exemple, ou au cégep. Mais les gens qui ont arrêté de faire un parcours en sciences ou en mathématiques s'en rappellent plus. Donc, je le mets toujours en parenthèse pour aider un petit peu le lecteur. Donc, puissance de 10, donc tu plonges dans les sciences physiques. Hein? On revient dans nos cours de secondaire. Qu'est-ce que tu vas chercher derrière cette formule-là dans ta recherche à la Chambre blanche? Ben, ce qui m'intéresse dans la puissance de 10, c'est cette idée-là, en fait, qui est écrite des ordres de grandeur. Donc, disons, dans les calculs de très, très, très, très, très grandes distances ou temps ou masse, ou petite, petite, petite, ben les physiciens dans un cas ou les biologistes dans un autre, peu importe, mais ils utilisent c'est la puissance de 10 pour exprimer, en fait, le nombre de zéros après le chiffre qui est utilisé. Donc, plus que l'exposant est grand, plus que le nombre est grand ou plus petit. Donc, dans ces ordres de grandeur-là, moi, ça me donne le vertige, en fait. C'est un sentiment très, très simple. C'est pour ça que j'utilise cette formule-là, à cause du vertige que ça implique, finalement, de se prendre comme humain, comme l'échelle d'observation de l'univers ou l'univers qui nous entoure, des éléments qui nous entourent. Puis ensuite, de plus qu'on va grand, plus qu'on regarde l'univers ou les galaxies et l'univers finalement, plus que les formes deviennent un peu comme des cellules, puis plus qu'on descend dans les petits, petits, petites, petites formes, bien plus que ça revient à la même chose finalement. Donc cette espèce d'idée-là que tout se ressemble aux extrémités, ça me donne le vertige complètement. Oui, ben je pense que t'es pas la seule. Donc on explore l'infiniment grand qui rejoint l'infiniment petit. Merci. C'est mieux exprimé. Non, mais c'est exprimé de manière plus synthétique. Oui, donc l'infiniment grand qui rejoint l'infiniment petit, qui est source de vertige. Le vertige que tu ressens, c'est quelque chose que tu utilises dans ta pratique. Il y a un élément dans l'explication de ta démarche, c'est cette volonté de traduire des expérience vécue. Ouais. C'est quelque chose qui me semble être au centre de ta démarche. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler de la façon... Mais c'est ça. Donc, c'est pas par le récit ni par l'illustration, mais c'est d'autres manières. Est-ce que tu peux nous parler des manières dans ton approche que tu utilises la traduction? Ben en fait, je suis très très inspirée par les sensations qu'on a, quelle que soit l'expérience en vécu. Moi, par mes intérêts, je vais dans des expériences un petit peu plus naturelles, donc dans des espaces naturels, souvent monumentaux, parce que je le sens plus, en fait, pour le vertige, ma présence aussi dans l'espace, puis la présence du paysage en soi, puis les espaces entre les choses, je le trouve très, très prenant dans ces expériences-là. Puis dans le cas présent, parce que, bon, ma recherche est dans une nouvelle ouverture depuis 2017-2018, et puis l'expérience qui est à la base de cette nouvelle ensemble de recherches qui s'en viennent puis que je fais présentement à la Chambre découle d'une expérience en Arctique où je suis allée faire une résidence pendant 20 jours. Puis quand je suis allée là-bas, finalement, ce qui m'a marqué, c'est l'espace entre les choses. Donc, parce que je faisais une résidence où j'étais en train d'enregistrer les sons sous-marins, particulièrement, puis sur la Terre. Quand je suis arrivée dans l'espace sous-marin, parce qu'on était en face de des glaciers, puis les glaciers explosent parce qu'ils fondent, puis il y a des bulles d'oxygène comprimé qui explosent dans toutes les directions. Mm-hmm. Puis à un moment donné, je me suis placée à l'intérieur de si on veut, de quatre gros morceaux de glace qui devaient être aussi très, très profonds sous l'eau, contre lesquels ces bulles d'oxygène-là explosaient puis rebondissaient, en fait. Donc, ça créait une sorte d'écho. Puis dans cet écho-là, nécessairement à l'écoute, puis même quand je les ai réécoutés là, dans les deux dernières semaines à la Chambre Blanche, j'entends encore la bulle qui explose sur une paroi, qui tombe sur une autre, qui va vers une autre, qui tombe sur une autre. Puis dans cette écoute-là, moi, j'ai, au lieu d'entendre la bulle, j'ai entendu surtout l'espace entre les bulles. Entre les bulles. Mm-hmm. Et puis, dans tout cet espace-là, moi, j'ai vécu un grand vertige, en fait, en me rendant compte qu'il y avait tellement d'espace, en fait, entre ces sons-là, puis comment les sons, comment les fréquences sonores m'ont alimenté au niveau de la sensation, plus qu'au niveau scientifique, évidemment, parce que je suis pas scientifique, mais la sensation de ces fréquences-là m'habite encore. Puis c'est avec celle-là que je travaille. Donc, quand je travaille pour l'instant, là, dans les projets que je fais, je travaille avec cet espace-là entre les choses. Fait que ma traduction se fait dans le senti de de ces espaces. Donc, combien d'espace il faut entre un objet et un autre objet pour qu'on perde l'équilibre un peu. Donc, c'est très prétentieux de dire que j'y arrive, là, mais j'y arrive pas toujours, mais des fois, j'y arrive. Puis, c'est là-dessus que je travaille. Donc, tu travailles à partir du son, de ces sons que tu es allé récolter en Arctique. Et, moi, je suis allée te visiter en fin de semaine en résidence. On pense au son, on pense aux ondes. Et tu travailles également, tu fais une recherche très, très particulière en ce qui a trait aux ondes lumineuses à la Chambre Blanche. Donc, tu travailles autour de la diffraction de la lumière. Il y a un lien à faire entre ces ondes sonores et ces ondes lumineuses. Ben en fait les ondes sonores c'est plus facile à travailler que les ondes lumineuses à cause de la fréquence là. Moi j'utilise en fait le lien il y en a pas vraiment à part le fait que ce que j'aime c'est d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent puis dans ce cas-ci je suis très très formaliste dans ma façon que j'anticipe ces sensations là puis la façon la plus simple pour moi d'explorer la lumière parce que je suis au début d'un corpus sur la lumière. La façon la plus simple, c'est d'aller dans les recherches les plus simples qui ont été faites dans les deux derniers siècles en physique optique ou en physique quantique, par exemple, où la matière et la fréquence se rencontrent puis s'entrechoquent puis ont permis de développer de nouvelles recherches. Puis ce que j'essaie de faire, finalement, c'est de faire une diffraction avec tout le spectre lumineux, mais sans cristal. Oui, sans la fameuse pochette de Pink Floyd. Non, là. Non, pas de Pink Floyd. Non. Donc, on évite le prisme de cristal. On évite énormément. Mais on cherche à aller chercher cet arc-en-ciel-là d'autres manières. Je ne dis pas que je vais réussir, hein, mais je suis très intéressée d'utiliser des principes de base de sciences physiques ou de physique, là, puis essayer de les ramener à leur absolu phénoménologique. Un peu en quelque part. Puis, en fait, pour moi aussi, c'est comme une façon de faire mes sciences physiques du cégep sans être allé au cégep. Appliqué. Il y a un de mes amis physiciens avec qui je travaille beaucoup sur mes projets qui me dit qu'il va me donner un diploma honoraris à la fin de ce projet-là parce que je vais avoir fini mes sciences physiques du cégep. C'est très drôle. mais c'est d'y aller un peu plus à tâtons aussi. Tout à fait. Puis, s'intéresser au phénomène, en fait. Puis, en quoi ce phénomène-là qui devient théorique pour les scientifiques ou les étudiants en sciences, comment ces phénomènes-là peuvent devenir aussi matière à faire de l'art, comment je peux les intégrer sans que ça soit juste une expérience scientifique, on s'entend, comment je peux réussir à le faire, est-ce que c'est possible ou non, quand j'y arrive, parce que j'y arrive de plus en plus, quand j'y arrive, je prends juste la partie qui m'intéresse, si on veut, le reste, je le laisse à la théorie, mais il y a toujours une petite partie là-dedans qui est magique. Puis c'est cette partie-là de la magie, en fait, qui m'intéresse, là. Donc, d'aller transformer pour aller chercher cette magie-là. Et, bon, dans ma visite que j'ai faite en fin de semaine dans ta résidence à la Chambre Blanche, il y a différents éléments. Il y a notamment un drapeau qui commence à prendre forme. Oui, vraiment. T'as commencé une exploration avec des drapeaux, là, avec une exposition l'année dernière...

Bonsoir Anne-Sophie Homère. Bonsoir Jean-Tiède. Bienvenue à l'aérospatiale. Merci de m'avoir invitée. Donc, t'es allée aujourd'hui à une des conférences de l'Université populaire de l'Œil de Poisson dans le cadre de la semaine de conférences et formations à Méduse. Et c'était la conférence de Yann Pocro. C'était à propos de quoi cette conférence? Alors, c'était à propos des autres résidences. Alors, déjà, pour commencer, moi, l'Université populaire, là, j'aurais pas de travail, j'y serais assis tous les jours. C'est retrouver les bienfaits, le bonheur d'être assis et d'écouter des conférences. On aurait envie d'aller à toutes les conférences. Avec pas d'examen à la fin de la session, en plus. Exactement. Et donc là, c'est que pour notre plaisir. Donc là, moi, ce matin, mon plaisir, ça a été les autres résidences de Yann Pocro, qui est venu présenter, en fait, toutes les résidences auxquelles on pense pas forcément d'aller regarder. Oui, c'est ça, en dehors du réseau des centres d'artistes, oui. Ou de ce que le CALC propose, parce que le CALC propose différentes résidences ailleurs dans le monde. Et puis, Yann Pocro a d'ailleurs plus d'une douzaine de résidences à son actif. Là. Oui, vraiment, il a l'air, quand il nous parlait un petit peu de son expérience, il a l'air d'en avoir pratiqué plus d'une, puis ça lui permet en fait de nous parler de ses coups de cœur aussi. Alors je vais pas voler son propos, je vais parler un petit peu plus de ce que moi, ce qui a attiré mon attention et ce que j'ai envie de retransmettre pour les personnes qui n'étaient pas forcément là. Il nous a effectivement parlé de Triangle Art Association, qui est une association qui a été fondée en 1982. Puis c'est des workshops qui ont lieu désormais dans 41 pays. Wow. Donc c'est des résidences, mais collectives, où tout le monde mange ensemble, partage des ateliers ensemble. Il y a énormément d'échanges. Et puis, il avait l'air de dire, ce qui est bien, c'est que tu n'étais pas... Il y a une belle représentation de différentes nations avec différentes cultures. Et ça, c'est vraiment un coup de cœur qu'il a pu avoir. C'est quelque chose qu'on peut trouver, les appels à dossiers sur Gasworks, qui est effectivement ce qui regroupe en fait l'ensemble du réseau Triangle. Et voilà, donc là c'est vraiment un coup de cœur qu'il a eu et dont il a partagé l'expérience ce matin. Je vais aller vite pour te les présenter parce que systématiquement vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ces listes sur le Facebook de l'Œil de Poisson. Ils ont mis les listes oui, dans l'événement, exactement, les informations, oui, tout à fait. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Il y a également, on l'a invité à une autre résidence qui s'appelle et c'était à l'île Maurice. Donc, hormis le cadre incroyable, il y avait 12 artistes du monde entier et 12 artistes de l'île Maurice. Il s'est permis vraiment des échanges extrêmement intéressants parce qu'il disait que même la vision sur les arts n'est pas du tout la même. La façon de pratiquer, mais oui, la façon de manger, c'est vraiment cette richesse dans ces résidences collectives de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes sans... Il n'est pas fun de parler de réseautage, mais il y a quand même cet aspect de toute façon que tu ne peux pas nier, tu ne peux pas passer outre. C'est une transmission de connaissances, c'est ça, également, exactement. Et de choc des pratiques aussi, oui, vraiment. Parce que les pratiques sont différentes et peuvent s'alimenter dans leurs rencontres. Oui, tout à fait. Et donc, ils ont eu en plus la chance d'avoir une exposition à la fin de ces résidences. Donc ça s'appelle Partage, et donc de la même façon, vous allez pouvoir trouver le lien. Une autre également qui s'appelle Art Oh My, donc là, ça a été fondé en 1992 par Francis Greenberger, qui était lui un ancien du réseau Triangle. Et là, on parle de 2000 artistes de 100 pays différents. 2000? Ouais, quand même, qui ont fait cette résidence. C'est un multimilliardaire qui a acheté un village carrément et il y a installé des structures complètement folles, mais là on parle de structures avec une piscine de luxe, avec un cuisinier italien qui vient de faire des plats délicieux, et tu as systématiquement des stagiaires, des assistants, puis tu leur donnes une enveloppe et ils vont faire tes courses dans la journée, et là tu dois vraiment te consacrer entièrement à ton travail. Il avouait avoir réalisé quasiment 7 mois de travail en 3 semaines de résidence. Donc, je t'avoue que dans la salle, je voyais bien que ça faisait un peu rêver les artistes présents. Mais là, pour avoir accès à ces résidences-là, est-ce qu'il faut payer? Non, c'est des appels à dossiers. Il a choisi ses résidences gratuites. Okay, c'est des appels à dossiers. Des résidences où il faut payer, oui, pour aller aux résidences. Oui, tout à fait. Okay, oui, c'est bon. Et donc là, durant ta résidence à Art Oh My, il y a 50 personnes qui sont invitées. Ça va être des directeurs de galeries, de centres d'artistes, de journalistes, des auteurs. Il disait les commissaires. La plupart sont américains, mais tu as quand même des gens du monde entier. C'est une fois par jour, puis tu décides ou non de prendre rendez-vous avec eux pour faire évoluer finalement ta carrière, ton projet, discuter, faire évoluer les choses. Voilà, donc en plus de toutes ces rencontres d'autres artistes que tu fais tout au long de cette résidence. Et il avait également un aspect vraiment très intéressant dans cette conférence, c'est qu'il a demandé à 4 artistes amis à lui qu'il a pu rencontrer dans des résidences de leur parler de leur meilleure résidence. Donc t'as un Suédois qui a adoré sa résidence, la McDowell Colony, qui a lieu en Suède, il me semble, dans le silence. José Pernaud de Québec, qui adore Sonido au Porto Rico, qui est une résidence séminaire où tu marches à travers l'île pendant 3 semaines, tu dors sur la plage dans des hamacs, tu fais des rencontres incroyables, puis ça te permet une certaine réflexion. T'as Thuc Inh Vu du Vietnam, qui a adoré le Bellagio Center, qui est carrément au bord du lac Côme en Italie. Ta famille a accepté, on paye même des billets d'avion à ta famille, c'est assez incroyable. Emmanuel Léonard du Québec, qui avait adoré un programme d'art des forces de l'armée canadienne. Oui, c'est vrai, Emmanuel Léonard, oui. Et c'est fou parce que tu peux même, dans ce cadre-là, accompagner des soldats sur le front, accompagner dans des espaces éloignés pour faire de la photo, de la peinture, toutes sortes de disciplines sont acceptées. Il y a également une liste de sites parmi les plus connus, comme Fogo Island, des choses en Allemagne, des choses en Belgique dont il a parlé. Il y a une belle liste qui est disponible. Et puis, il nous a parlé également de son expérience en résidence à l'Observatoire du lac Mégantic, qui est très intéressant. Et donc, c'est un beau reflet du travail de Yann Pocro, que vous pouvez ou vous connaissez peut-être déjà. Donc cette conférence-là s'inscrit dans on en parlait en tout début de chronique, l'Université populaire de l'Œil de Poisson. Qui s'intitule Cogiter. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, on n'a pas besoin de s'inscrire. Et il reste encore plusieurs conférences dans les prochains jours. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot? Bien sûr. Alors, dès demain, on va pouvoir retrouver Georges Azaria avec les paramètres juridiques de l'appropriation artistique de 10h à midi. Il y a Québec History X qui va parler de l'histoire de la présence et de l'esclavage des Noirs en Nouvelle-France et sous le régime anglais. Donc, ça, c'est. C'est Webster. Ouais, c'est Webster, pardon. Le 24 janvier, donc c'est demain après-midi. Il y a Peau épaisse et armures féminines, décolonialité, genre et résistance dans les pratiques esthétiques avec Kamala Macrel, dont on parlait tout à l'heure en antenne. Oui, donc une personne queer qui vient nous déconstruire complètement notre perception des genres. Moi, je l'ai déjà vu en conférence, là, c'était assez déstabilisant. Oui, ça s'annonce vraiment déstabilisant. Mm-hmm. Et résister au désir de simplicité avec Patrick Turmel le 25 janvier, l'après-midi. J'avoue que, comme je te disais tantôt, j'irai bien les faire toutes. Hein? Oui. Mais il va falloir faire une sélection. C'est très tentant. Donc, à l'œil de poissons, mais il y a également des activités qui sont offertes chez Engram, donc des ateliers qui sont offerts par des artistes professionnels. Il y a Vue également qui propose des activités de photobook club. Donc, si vous vous êtes intéressé par cette semaine de formation et de conférences à Méduse, allez vous informer sur le site internet de Méduse. Toutes les informations sont là, les activités gratuites et des activités payantes. Et nous, on va prendre une petite pause audio et au retour, je m'entretiens avec les artistes de Banque d'essai. Merci Anne-Sophie. Merci Jean-Tienne. toujours à l'aérospatiale, j'ai avec moi trois étudiantes du bac qui exposent dans le cadre de bande d'essai. Besma Boukri, bonsoir. Allô. Vincent Drouin, bonsoir. Et William Légaré, bonsoir. Vous exposez dans le cadre de bande d'essai, donc bande d'essai qui est une exposition annuelle qui offre à chaque année à plusieurs étudiants au bac d'exposer à la Galerie des arts visuels. Et comme je le disais hors d'onde, puis il est écrit également dans le communiqué, il y a quelque chose qui lie vos trois pratiques, c'est que vous pratiquez tous en quelque sorte la photographie. Oui, oui. mais sinon, c'est quand même un corpus d'œuvres qui est assez diversifié. Vous avez des démarches propres. Besna Boukri, tu as une démarche qui est très ancrée dans une pratique de la narrativité. Oui, absolument. Et je lisais dans ta description que tu t'inspires beaucoup du cinéma, mais le cinéma n'est pas présent en tant que tel, tu ne fais pas de vidéo, quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment le cinéma t'inspire dans ce que tu fais? Bien, en fait, moi, j'ai fait un certificat en cinéma il y a quelques années, donc j'ai vraiment travaillé dans cet environnement-là. Donc, c'est sûr que le rapport à l'image, le rapport à la narration, à évoquer des espaces aussi, puis un peu comme la présence du cadre, mais du hors-cadre aussi, puis créer comme l'ambiance qui est liée, puis... C'est ça, une forme de narration, mais une narration que de laquelle j'essaie de me distancer aussi, fait que dans le sens de créer quelque chose qui est plus poétique, qui est peut-être moins qui est peut-être plus dans l'évocation aussi. Mm-hmm. Donc je fais pas nécessairement, tu sais, je porte cet amour du cinéma en moi, mais c'est pas nécessairement un référent. Ça explique un peu d'où je viens, puis ma façon d'approcher l'image, mais après ça, j'essaie d'ouvrir vers d'autres choses. Puis j'ai l'impression le cinéma, c'est un médium de temps, de durée, beaucoup. On l'associe beaucoup à cette notion-là. Et j'ai l'impression que avec des pratiques qui sont plus installatives dans ton cas, on dirait que la durée se transforme en espace parce que tu fais des installations dans lesquelles il y a des photographies, des objets, des mots, et puis c'est un peu l'espace entre ces objets-là qui viennent entretenir la narration. Absolument. ce que j'aime développer, c'est des dispositifs. Mm-hmm. Donc, puis j'aime aussi donner de l'espace au regardeur pour s'approprier de différentes façons. Donc, l'inviter peut-être à faire un pas en avant ou l'inviter à pénétrer un peu dans l'univers d'un livre, mettre une espèce de... Ben, c'est ça. C'est vraiment l'idée de travailler le dispositif là, pour mettre un peu en scène puis instaurer des espèces de petites bulles poétiques. Et William Légaré? Oui. Toi, tu as voyagé beaucoup avant de faire ton bac, j'ai l'impression. Oui. Et c'est un peu ce qui alimente ta pratique, en quelque sorte. Oui, surtout ces temps-ci. Je dirais, en tout cas, j'ai été quand même assez choyé de ce côté-là. Puis depuis quelques années, c'est ça, je pars souvent l'été plus dans des contextes, c'est ça, de voir ailleurs. Surtout au Canada aussi. Mm-hmm. En fait, c'est ça, là, c'est un peu surtout la photo de moi qui dort un peu dans mon lit, puis la tente, ça relate surtout du retour de ce voyage-là, un peu de l'émotion d'être confortable chez soi, d'être bien, d'être revenu, mais également d'avoir perdu une part de quelque chose qui nous habite quand on est en mouvance, quand on est en déplacement. Donc, une espèce de confort qui nous rassure, mais en même temps qui nous alourdit d'une certaine façon. Qui nous enferme. On a perdu une certaine liberté quand on revient dans notre quotidien. Donc, donc tu travailles également la photographie, un cyanotype, des négatifs qui sont présentés avec les impressions. On dirait qu'il y a quelque chose de l'errance, mais également de ce que tu trouves sur ton chemin dans l'errance. Oui, exactement. Des fois, ben, à Québec, justement, quand on voyage pas, ben, des fois, je me promène, puis là, je trouve des choses qui viennent un peu piquer ma curiosité, puis à partir de ça, ben, je vais peut-être un peu affabuler sur les raisons de ces choses-là et tout. Puis c'est notamment le cas des deux négatifs que, justement, j'avais trouvé dans une espèce de brocante des inconnus qui s'adonnaient à des plaisirs, mais voilà, une cinquantaine d'années au moins, là. Oui, qui ont des postures assez saugrenues pour des photos d'époque, là, donc des gens qui sont dans l'eau sur une embarcation. Donc, on se questionne sur qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe également entre les deux photographies. Il y a des éléments de encore une fois du voyage. On est sur l'eau, mais également de ces gens qu'on ne connaît pas. Mm-hmm. Ce qui me faisait le plus rire, en fait, de cette chose-là, c'est que il est tellement facile aujourd'hui de se procurer ces images-là qui viennent d'une autre époque, mais qui n'ont plus vraiment de valeur pour ce qu'elles représentent, mais plutôt pour le vieil objet qu'ils sont. Mm-hmm. Puis là, à partir de ce moment-là, ben, on reprend ces images-là, on essaie de dire, mais qu'est-ce qui se passe entre l'espèce de pause super convenue, puis soudainement l'espèce de malaise que finalement, ben, c'est un peu comme eux qui nous regardent, mm-hmm. puis on a un peu l'arroseur arrosé, tu sais, est-ce qu'on a vraiment affaire à regarder ces photos de famille-là qui, nous, à la base, n'étaient pas vraiment destinées? C'est vraiment ce qui m'intéressait dans ces espèces de la relation de ces deux photos-là. Mmh. Et William Legarré, également des photographies, mais également des vidéos qui sont présentées. Excuse-moi. Vincent Drouin. Ouais. Des photographies, mais également des vidéos que tu présentes dans l'exposition. Je parlais avec Besma de cette question du temps, de la durée. J'ai l'impression que ces notions-là traversent tes questionnements artistiques. Oui, aussi. Moi, c'est plus dans la narration aussi, la perception du temps, plus que dans la durée, là, je pense. Oui. Moi aussi, je travaille avec la nature beaucoup. C'est plus avec ça là, que je travaille. Là. C'est toutes des explorations aussi, fait que je sais pas vraiment comment l'expliquer. Donc, si on veut approfondir un peu, donc il y a également, un peu comme Besma le fait, mais d'une autre manière, il y a ce rapport entre le texte et l'image que tu explores, donc dans deux des œuvres qui sont présentées, une qui est photographique avec un texte qui est apposé, là, dessiné directement sur la photographie, l'autre qui est vidéographique, donc on voit des éléments de paysage, d'eau, de rivière qui sont présentés à l'envers avec un texte en anglais qui est narré par-dessus, mais on voit également les sous-titres. Comment tu travailles ce dialogue entre l'image et les mots? Pour ma part, j'ai pas vraiment je pense pas le texte en fonction des images, mais les textes en fonction des images, puis je vois pas de lien. Mm-hmm. Mais c'est plus une question de contraste, d'avoir deux choses qui sont très hétérogènes, ouais. puis de les mettre ensemble, ouais, que ça juste la position choc. Vraiment entre les deux là, puis fait que moi, je travaille pas vraiment les deux de pair, mais je pense que par rapport, mettons, si on veut comparer, je pense que toi tu t'intéresses vraiment plus à l'ambiguïté que ça crée finalement, ouais, aussi, ouais. Alors que moi, tu sais, ça supporte, puis ça vient comme travailler ensemble. Oui, c'est ça. Dans le travail de Besma, il y a vraiment une espèce d'univers narratif très poétique, très hermétique qui s'installe, alors que pour toi, Vincent, il y a juste un questionnement de pourquoi, puis finalement, il y a pas de réponse. Non, c'est ça, exact. Et en terminant l'entrevue, j'aimerais parler de cette vidéo très, très floue. Ouais. qui est présenté, donc une projection vidéo très très floue, avec le son, on finit par deviner que c'est une mangeoire d'oiseau très achalandée, mais dans le flou de l'image, on voit des plages de couleurs. Est-ce qu'il y a une recherche qui est presque du domaine du pictural en quelque sorte? Oui, définitivement, là, c'est une exploration que j'ai faite durant la première année de mon bac, qui est vraiment à essayer d'épuiser le sujet des oiseaux, puis à un moment donné j'ai eu l'idée de faire juste du flou, puis d'essayer de travailler les formes, les couleurs, justement les comme le capteur de la caméra captait les couleurs simplement, puis travailler le son aussi beaucoup dans cette vidéo là donc c'est... avec la projection, on voit toutes les différentes plages de couleurs qui se détachent au mur. Il y a quasiment quelque chose de l'aquarelle. Oui, non, c'est ça. Mm-hmm. Exact. Mais merci beaucoup, Vincent, William et Besma, pour être venus nous parler de Bande d'essai. Donc, c'est présenté jusqu'au 10 février à la Galerie des arts visuels. Et nous, on part en pause audio avec encore une pièce de Herr Doctor et on revient avec l'agenda de la semaine. We'll be right back. Il se passe beaucoup de choses cette semaine dans le monde des arts visuels à Québec. On va commencer avec jeudi. Jeudi, d'abord, il y a la soirée d'ouverture du Mois Multi qui commence sous la neige de janvier. Ça va avoir lieu tout le mois de février, donc ça va être le vernissage à partir de 17h dans le hall de Méduse. Vous pouvez avoir l'occasion de découvrir déjà quelques œuvres du projet Infiltration de Pascal Leblanc-Lavigne, Mathieu Fecteau et Fred Lebrasseur. Il va également y avoir un espace de jeux vidéo qui va être installé dans le hall d'entrée, notamment avec un projet Cosmogonique, pardon, de Barnac et de Audiotopie. Dans la salle multi, vous aurez l'occasion de découvrir le projet Ego Trip H20 du collectif Isochrone et Eternity Be Kind de Myriam Blou et La Turbo Avedon. Également, un vernissage à Sainte-Foy du côté d'Espace Parenthèse. L'exposition d'Alfia Jonca et Sophie Lozé, quelque part, va débuter à... le vernissage va débuter à 17h30 demain. Vendredi, vernissage à Critérium d'Antoine Lortie avec son exposition Widowed Vision. Également à Vue, c'est le finissage du projet Assemblage. Et également une activité du Photobook Club de Montréal, donc un partage autour des livres présentés, des livres photos présentés par différents intervenants. Ça va également être le vernissage de Double Double dont on a parlé en tout début de saison avec les artistes. C'est au 644 rue Saint-Joseph à partir de 17h vendredi à Lévis. C'est le vernissage des prix Regard. Stéciane Oliver qui a gagné le prix Regard Maîtrise et Charles David qui a gagné le prix Regard Cégep qui va être à partir de 18h vendredi. Et comme le mois multi débute, il va y avoir également Macbeth à la salle multi vendredi, faire la bombe après à la cuisine. En fin de semaine, c'est la nuit solaire au Musée national des beaux-arts du Québec. Une belle occasion pour découvrir une sélection faite par la direction de la bande vidéo. Et je termine cette émission en remerciant mes invités, ma chroniqueuse, et merci à Jacques Gignac à la mise en onde. Je me dépêche à passer le micro à Pierre Blais et son équipe qui vont parler de cinéma à l'émission Situation critique tout de suite après la pause. J'en profite pour vous remercier d'être là, peut-être pas toutes les semaines, peut-être toutes les semaines, pour nous entendre parler d'art et pour vous intéresser à l'art comme nous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. En 2035, un équipage composé uniquement de femmes s'envole pour Mars. À travers leur épopée, on suit le parcours des pionnières de la conquête spatiale et des grandes aventurières de l'histoire qui ont pavé la voie pour des générations de femmes à venir. Nouvelle production du Théâtre Niveau Parking, écrite et mise en scène par Caroline Boucher-Boudreau et Marie-Josée Bastien, Astronette, la longue marche vers les étoiles, est présentée du 12 février au 2 mars au Théâtre Périscope. Pour réservation, 418-529-2183 ou sur pointdevente.com. Le mois multi, ça le dit. C'est 6 semaines d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 30 jours de festivités regroupant 60 artistes de 6 pays, c'est 19 spectacles de performance hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. The sound goes way back. Prépare-toi, Québec. Le mois multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. Moismulti.com. Le dimanche 27 janvier à la Corrigane, la Ligue d'improvisation, la GIF, laisse toute la scène à son équipe des Bleus pour un match spécial. Venez voir ce que la formation d'Anne-Marie Yargeau a concocté pour vous faire rire et déguster au passage une excellente bière de microbrasserie. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à la Corrigane. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Ciné Voyage présente Barcelone et Catalogne, Border, La Guerre froide, Malek, l'Opéra de Paris présente Carmen et Vert. Et au Clap Loretteville, Ciné Voyage présente Barcelone et Catalogne, Glass, L'Opéra de Paris présente Carmen, Un peuple et son roi et Vox Lux. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca. Aujourd'hui, à Situation Critique, le documentaire sur André Forcier intitulé « Des histoires inventées ». Le retour de M. Night Shyamalan avec le film « Glass », le film scandinave « Border », le film polonais « Cold War », le film québécois « Malek » et un regard sur les nommés aux Césars et aux Oscars.